Vous écoutez l'émission Endoctrasia sur Radium 89.7 FM, Castres. Quelle soirée de merde on a passé encore. Bon, c'est qui tous ces gens qui m'ont appelé? Ouais, Jules, on a un gros souci là. Jules, t'es là? On va répondre, merde. Mais qu'est-ce que vous avez foutu hier soir avec le flou? On parle de vous partout dans la presse, les journaux. Arrêtez malin. Les radios ont repris vos conneries. L'image de la boîte va prendre un sacré coup là. Le célèbre animateur de Radio Endoctrasia ainsi qu'un collègue à lui ont été interpellés hier soir par la police après avoir déclenché une bagarre générale dans une discothèque près de Pau. D'après des témoins, les deux hommes, alors ivres au moment des faits, n'auraient pas apprécié qu'on leur interdise l'accès au coin VIP qui leur était pourtant réservé. Ils s'en seraient alors pris aux agents de sécurité, puis aux filles qui assuraient le show, en leur jetant des bouteilles en verre tout en les insultant. Une histoire qui a fini au commissariat avec une vingtaine de personnes interpellées et des dégâts considérables pour l'établissement. Bon, n'oublie pas, Clémence, la stagiaire doit passer chez toi à 10h. Oublie, j'espère. C'est chier de merde. Ouais, c'est Clémence, ça fait 10 minutes que j'attends ma petite toile, j'en ai ras le cul, là. Donc, soit tu m'ouvres, soit je me barre, parce que stagiaire, ça veut pas dire putain, ce qu'il faut tout le temps avoir. Donc, voilà. Endoctrasia, la voix du monde libre. Une émission produite et réalisée par Julien Pelletier. Ce soir, pas moyen d'arrêter de boire. Je veux pas rester à la maison à regarder ma boîte à con. J'aime mieux une cirrhose hépatique qu'un cancer du sens critique. Je préfère les seins blancs des filles à toutes les soirées en famille. Promis, ce soir je n'en bois qu'un, ou alors deux, ou alors plein. Mais peut-être que ce serait bien mieux si je ne promettais rien. J'abuse avec modération, mais carpe diem est mort au con. Expérimenter les limites, c'est ma posture philosophique. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était moins décevant, je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si la vie était moins tragique, je ne serais pas alcoolique. Il y a une bombe atomique qui me fixe l'air extatique. Elle a dû repérer l'odeur, je sens l'homme moderne en chaleur. Je devrais être pris de panique. Heureusement, je suis alcoolique alors. Je reste flegmatique et je lui lance un regard cosmique. Je plonge en son âme intrinsèque et j'enflamme la discothèque d'un pas de danse un peu mystique. Elle admire mon assurance, mon sexe à pile la met en transe. Je lui suppute, elle est séduite, déjà la volupté la bite. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était moins marrant, je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si la vie était moins comique, je ne serais pas alcoolique. Je l'aborde de l'air angélique, et puis l'on boit un gin tonic, puis une vodka tonique, et puis un n'importe quoi tonique. Qu'importe le futur quand on aime vivre vite. Parce que j'ai les vents bien. J'ai la tête comme un Spoutnik, les cernes de l'inspecteur Derrick, et une haleine antiseptique, mais je brûle comme un four en brique. Ça me perturbe la phonétique, me cause quelques soucis d'optique, mais c'est quand même assez pratique pour chauffer les filles sympathiques. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était plus différent, je boirais moins beaucoup souvent. Alcoolique, alcoolique. Si les choses étaient moins identiques, je ne serais pas alcoolique. Alcoolique, alcoolique. Si le monde était plus différent, choses étaient moins identiques, je ne serais pas alcoolique.